je n'ai pas envie de le faire. Avoir envie se dit en anglais to feel. I feel. I feel. Feel veut dire sentir. To feel. Ça s'écrit F-E-E-L. To feel. Sentir. C'est un verbe irrégulier et son passé est felt. Felt. Felt. Felt. F-E-L-T. Le participe passé est identique. Felt. Alors, comment dit-on « je l'ai senti » I felt. I felt it. Ah oui, I felt it. I felt it. Mais avoir envie se dit « to feel like », c'est-à-dire « sentir comme ».« Like » signifie « comme ». Mais il ne s'agit pas ici du verbe « to like ».« To like » qui veut dire « aimer ».« Like » a ici le sens de « like this »,« like that », comme, comme ceci, comme cela. « Like » dans le sens de « comme ».« I feel like » se traduit littéralement par « je sens comme », mais ça veut dire « j'ai envie ».« Like » étant une préposition, le verbe qui suit se forme avec « ing ». Alors, comment dit-on « j'ai envie de le faire » ?« I feel like doing it ». Right !« I feel like doing it ». J'ai envie de le faire. Je n'ai pas envie de rester ici. I don't feel like staying here. Right. I don't feel like staying here. Partir, ça se dit To leave. To leave. Sortir se dit littéralement aller dehors. To leave out. To go out. To go out. To go out. Sortir. To go out. J'ai envie de sortir ce soir. I feel like... Feel like. I feel like going out tonight. Right. I feel like going out tonight. Je n'ai pas envie de sortir ce soir. I don't have... I don't feel like going out tonight. Right, I don't feel like going out tonight. Yes, feel, c'est un long I. Il faut faire attention parce qu'il y a un autre verbe qui se dit to fill et qui veut dire remplir. Fill. Fill. Donc, et celui-ci, c'est comment encore? Feel. Feel, c'est plus long. Ok. Alors. Comment diriez-vous « je préfère rester ici » ? I prefer to stay here. Right, I prefer to stay here. Je préfère rester chez moi ce soir. I prefer... Yes. Staying at home tonight. Right, I prefer staying at home tonight. On a le choix. I prefer staying at home. I prefer to stay at home tonight. Je n'ai pas envie de sortir ce soir. I don't feel like going out tonight. Right, I don't feel like going out tonight. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous sentez comme? oui. What do you feel like? Faire. Doing. Right. What do you feel like doing? What do you feel like doing? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? What do you feel like doing? Qu'est-ce que vous avez envie de manger? What do you have feel? Non. non. What do you feel? Non, non. Souvenez-vous. Ah feel. Oui, oui, oui. Oui, évidemment. Feel like... Eating? Eating. Ok, le I est long. Eating. Eating. Right, once more. Feel, eat, feel, eat. Alors? Alors, what do you feel like eating? Good. What do you feel like eating? What do you feel like eating? Yes. Je n'ai pas envie d'y aller. I don't feel pardon. Feel like going there? Right. I don't feel like going there. Je vais y être à une heure. I'm going to be there at one o'clock. Right. I'm going to be there at 1 o'clock. Ça sera prêt à 2h30. It will be ready à quelle heure? À 2h30. En anglais, on dit littéralement à demi après deux. At half past two. At half past two? Yes, at half past two. Half. Half. At half past two. Ou à 2h30. 2:30. 2:30. Pour à 2h15, on dit à 2:15. At a 2:15. Quarter past? At a 2:15. At a 2:15. Two? Yes. At a 2:15. Ou bien à 2:15. At 2:15. At 2:50? Aha. 15. Attention au long I, parce que là, vous venez de me dire à 2h50. 50. Oh. 50. 50. C'est 50. 15. 15. C'est 15. Oula. 15. At 2:15. Je les ai vus il y a 15 jours. I saw them. Good. En anglais, on dit il y a 2 semaines pour il y a 15 jours. Donc, 2 weeks ago. Yes. Once more, I saw them. 2 weeks ago. Right. I saw them 2 weeks ago. Voir. To see. To see. Je le vois. I saw it. Non, je le vois. Oh, I see it. I see it. Ou bien. Donc, je le vois. I'm seeing it. I'm seeing it.